Exercice 3. Bon, écoutez, c'est la troisième fois que je vous appelle cette semaine. Cette télévision ne fonctionne pas correctement. Monsieur, je vous ai déjà dit que c'est juste un problème de réglage de l'image, et c'est tout. Mais j'ai suivi toutes les instructions que vous m'avez données, et je vous assure que ça n'a rien changé. L'image est de très mauvaise qualité, et je trouve ça inadmissible vu le prix que ça m'a coûté. Dans ce cas, je vais vous envoyer un technicien. S'il y a un problème, il saura dire d'où ça vient. Est-ce que demain matin, ça vous irait ? Demain matin, je ne suis pas là. Je rentrerai vers 15h, pas avant. Bon, j'essaie de vous envoyer quelqu'un dans l'après-midi. En principe, vers 16h, mais ça peut être un peu plus tard. Je serai là et je vous attendrai. Très bien. Eh bien, à demain, monsieur. Très bien, à demain.